Bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, 1941, Marx Dormoy, ministre du Front Populaire, assassiné par la cagoule. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1941, à l'hôtel du Relais de l'Empereur à Montélimar, Marx Dormoy, ancien ministre socialiste du Front Populaire, était tué par l'explosion d'une bombe sous son lit. Marx Dormoy, aujourd'hui injustement oublié, fait partie, comme Léon Blum, Jean Zay, Daladier ou Mandel, de ces hommes politiques de la Troisième République sur lesquels le régime de Vichy s'est acharné. Dormoy est aussi un de ces 80 députés courageux qui, le 10 juillet 40 à Vichy, dans un climat d'une rare violence, ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain. Dormoy avait donc tout pour déplaire au gouvernement de Vichy, qui en septembre 1940 l'a fait arrêter, emprisonner, puis finalement assigné à résidence à Montélimar. Mais Dormoy savait que ses ennemis ne s'arrêteraient pas là, qu'ils en voulaient à sa vie. Ce qu'il ne pouvait pardonner à l'ancien ministre de l'Intérieur du Front Populaire, c'est le combat acharné qu'il mena contre la cagoule, cette organisation terroriste secrète d'extrême droite qui s'était juré de renverser la République et qu'en 1937, il avait réussi à démanteler. Mais la bête immonde n'était pas morte. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Gaëlle Brunel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'université de Fullerton, en Californie, et vous êtes, avec Annette Finlay Crosswhite, les auteurs d'un livre qui paraît aux États-Unis, enfin qui va paraître l'année prochaine, sur Marx Dormoy et son assassinat à l'époque du régime de Vichy. Alors, première question un peu qui s'impose. Aujourd'hui, Marx Dormoy, même si des livres dans le passé lui ont déjà été consacrés, est quasiment inconnu en France. Comment se fait-il alors que deux historiennes américaines s'y intéressent ? Notre intérêt commence avec la cagoule, parce que nous avions déjà écrit un livre sur le sujet de la cagoule. Et on a découvert finalement que Marx Dormoy était l'ennemi le plus acharné. Donc, après qu'on a compris qu'il était assassiné, on voulait savoir comment et pourquoi. Et pour comprendre ça, il fallait d'abord comprendre sa carrière, même avant le Front Populaire, parce qu'il venait d'une famille extrêmement socialiste. Son père était maire socialiste de Montluçon. Montluçon, dans l'Allier. Dans l'Allier. Oui, exactement. Et donc, une famille des travailleurs, des socialistes. Et donc, lui, c'était véritablement quelqu'un qui croyait dans sa cause, croyait dans le Front Populaire et qui était une très bonne amie de Léon Blum. D'abord, il y a quelque chose qui surprend, c'est son prénom quand même, Marx. Est-ce que c'est à cause d'une admiration de ses parents pour Karl Marx qu'il s'appelle comme ça? Enfin, sa famille a connu la petite fille de Karl Marx. Donc, il était donné son nom parce que Laura Marx s'est mariée avec un Français du coin, qui était assez bien connu. Et c'était leur famille qui ont aussi aider Marx Dormoy à s'éduquer, parce que il était obligé, après la mort de son père, à quitter l'école et commencer à travailler. Mais il avait toujours accès à la bibliothèque de La Fargue, c'était le nom de famille. Et donc, cette lien entre les deux, ça a duré pendant des années, ça a commencé avec son père. Et c'est à cause de ça qu'il était donné le nom. Alors, cependant, au congrès de Tours, en 1920, ce congrès qui voit la naissance du Parti communiste, donc on est juste après la révolution bolchevique, Marx Dormoy fait partie des minoritaires qui choisissent non pas le communisme, mais de rester dans ce qu'on appelait la vieille maison, le socialisme, avec Léon Blum, donc qui va être, comme vous l'avez dit, Gaëlle Brunel, qui va être son ami jusqu'à sa mort. Exactement ça. Et même après sa mort, Léon Blum a toujours essayé d'épauler la sœur de Marx Dormoy, Jeanne Dormoy, pour suivre ceux qui l'ont tué. Donc, c'était vraiment une longue, longue histoire. Comment définir politiquement Marx Dormoy? C'était un vrai socialiste qui était extrêmement patriotique. Donc, il croyait dans la République et il croyait dans le socialisme, mais un socialisme qui pouvait prendre le pouvoir légalement par les élections. C'était en raison pourquoi il n'acceptait pas les communistes. Oui, parce que les communistes, donc ce n'est qu'en 1934, suite à un ordre de Staline, que le Parti communiste français va donner son accord à un front populaire, donc un accord politique avec les socialistes et les radicaux. Pouvez-vous aussi nous rappeler, Gaëlle Brunel, le contexte politique de 1936, l'histoire que je vais raconter commence en novembre 36, au moment des obsèques de Roger Salengros, le ministre de l'Intérieur du Front Populaire, qui a été poussé au suicide par les campagnes calomnieuses de l'extrême droite. Donc on est dans un contexte quand même victorieux pour le Front Populaire, puisqu'il a gagné les élections en mai 36. Il y a des grandes avancées sociales, les congés payés, la semaine de 40 heures. Mais en même temps, c'est un contexte extrêmement dangereux, à la fois à l'extérieur, l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, et à l'intérieur, en France, il y a une forte opposition de la droite, et notamment de l'extrême droite, qui est très virulente. Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte de la guerre de l'Espagne, la peur de beaucoup des gens, c'était que la France va suivre la même piste. Souvent, maintenant, c'est difficile à comprendre que pour beaucoup des gens qui ont soutenu la droite, ça, c'était parce que pour eux, c'était Hitler ou Staline. Donc, c'était ça pour eux, plus ou moins, le choix. Choisir entre Hitler et Staline. Voilà, c'est exactement ça. Donc, pour comprendre les affrontements, il faut comprendre que des gens avaient énormément peur du communisme. Ils avaient peur que, finalement, les syndicats et les communistes vont prendre le pouvoir et que toutes les croyances traditionnelles vont être supprimées à cause de ça. Il y a aussi dans l'extrême droite, notamment dans les ligues, un mouvement extrêmement anti-républicain, pas seulement anti-communiste, antisémite, anti-franc-maçon, anti-républicain. Donc voilà, en 6 février 34, on a cru que la République allait s'effondrer par un coup d'État. In extremis, la République a tenu, mais il y a des membres de l'Action française qui sont déçus justement par cet échec et qui décident de créer des groupuscules secrets, des organisations secrètes qui vont aboutir à la création de ce qu'on va appeler la cagoule. Oui. Évidemment, personne ne le sait. C'est parce qu'ils croyaient que la République, d'abord parce qu'ils croyaient que la République n'était pas à taille à confronter les communistes. Donc, il y avait des personnes qui sont lancées dans les aventures, on peut dire, très violentes parce que ils ont perdu toute confiance dans les institutions républicaines. Et ils croyaient qu'il fallait vraiment un dictateur, disons, pour la France, parce que c'était le seul moyen que la France pouvait véritablement confronter et Hitler et Staline, et aussi parce qu'ils croyaient que les mœurs en France étaient pourries. Donc c'était aussi une sorte de discours de moralité. C'était pas seulement un discours politique, mais ils croyaient que les Français étaient fainéantes, paresseux, féminisés même, et que il fallait une société beaucoup plus militarisée. Et pour eux, c'était aussi un retour au passé, à des mœurs du passé. Merci beaucoup, Gaëlle Brunel. Je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1941, Marx Dormoy, ministre du Front Populaire, assassiné par la cagoule. Un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Pascal Deux. La calomnie doit être confondue et châtiée. Et elle le sera. La mort de Roger Salengros a fait sentir cette nécessité à la France entière. Et nous devrons encore à notre ami cette gratitude d'outre-tombe. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion. Car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Tous les traits infamants Blum sont soigneusement recueillis et avis. Moi, je serais incapable de trouver les mots. On juge lui, superflu il rassure. De vérifier. Il dégage une certaine douceur même. en dépit de l'absurdité parfois criante. On écoute et on répète. Mais il est juif. Sans se rendre compte comme ça, la curiosité et le bavardage. Et ça ne passera jamais pour certains. Prêt à la médisance. Que pauvre Salengro. C'était un bon ministre et un type bien. Et que celui qui publie je ne comprends pas cette haine des juifs. C'est irrationnel. Un juif vaut bien un breton, quelle différence. Quoi qu'on pense de notre politique, ce qu'ils ont fait à Salengro dépasse le combat politique. C'est un lynchage. Aujourd'hui, plus que jamais, les choses sont claires dans ce pays. Il y a deux camps prêts à en découdre. Les forces de progrès contre les réactionnaires. La moindre étincelle. Et c'est tout le pays qui s'embrase. Le 22 novembre 1936, à Lille, le sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, Marx Dormois, assiste à l'hommage national rendu à Roger Salengro, ministre de l'Intérieur et maire de Lille, poussé au suicide par les attaques calomnieuses et antisémites de la presse d'extrême droite. Léon Blum est président du Conseil depuis 5 mois. Malgré des accords sociaux historiques signés pendant l'été, le gouvernement doit faire face à une forte montée des extrêmes, à gauche comme à droite. Bravo, c'était un bel hommage. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Vous avez vu cette foule, Dormois. Des ouvriers, des mineurs venus en famille. Ces gens savent que Salengro était de leur côté. À nous de leur montrer que nous ne les abandonnerons jamais. Le gouvernement l'a prouvé avec toutes les mesures qu'on a déjà prises. Nous sommes au bord du précipice, Dormois. On ne se contente plus de s'opposer à des idées maintenant. Ce sont les hommes que l'on cherche à abattre. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il me faut des hommes courageux et fins négociateurs. Vous avez montré ces qualités à maintes reprises. Que diriez-vous de quitter le secrétariat d'État et de remplacer Salengro à l'intérieur ? Eh bien, je ne sais trop que dire. Portefeuille revient à un socialiste. Bien sûr. C'est un poste exposé. Qu'en dites-vous ? Vous voulez prendre un peu de temps pour réfléchir ? Non. J'accepte. Moi, ministre de la République. Moi, le fils d'ouvrier militant, le vendeur de charbon de Montluçon, je me retrouve sous les ors de la République. Blum est à l'aise dans ce monde. Ce n'est pas mon cas, mais je saurai m'adapter. Et puis, c'est cela aussi ma force quand il faudra aller sur le terrain. Les policiers n'aiment pas avoir l'impression de défendre une caste. Je leur montrerai que les ministres du Front populaire ne sont ni des bolcheviques le couteau entre les dents, ni des petits bourgeois idéalistes. Investi place Beauvau le 25 novembre 1936, Marx Dormois est disposé à surveiller les mouvements d'extrême droite ainsi que le Parti communiste, pourtant membre de la coalition du Front populaire. Il se méfie des communistes et de leur chef, Maurice Thorez, qui a refusé de participer au gouvernement. Dormois s'entoure de spécialistes du renseignement qu'il recrute parmi des militants socialistes de confiance. Parmi eux, Saint-Simon Graziani, qui devient chef de cabinet en charge des affaires politiques. Oui ? Monsieur le ministre ? Saint-Simon, arrête tes chichis, tu veux bien ? D'accord. Tiens, je t'ai apporté les notes des renseignements généraux. Oui. C'est pas signé ? Non, jamais, mais ça remonte directement du terrain. Les communistes sont très actifs, on dirait. Ce sont les manifestations contre l'augmentation du coût de la vie. Ils profitent du mécontentement. Plusieurs rumeurs persistantes de tentatives de coup d'État. Vous faites quand même remonter les notes, même quand il s'agit de rumeurs ? Oui, à ce stade, il ne s'agit que de rumeurs. Mais les agents se sont dit que ça valait la peine de t'informer. Il ne faut pas sombrer dans la paranoïa non plus. Thorez n'est pas un saint, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas factieux. S'il y a bien une chose qu'on doit reconnaître aux communistes, c'est qu'ils sont disciplinés. Je vais te dire une chose, entre toi et moi. Les communistes ne bougeront pas. Ils sont tenus en laisse par Staline, qui sait bien qu'une insurrection en France mènerait directement les fascistes au pouvoir. Mais bon, on continue à les surveiller quand même. Je ne suis pas infaillible. C'est noté. Et ça, c'est quoi ? On dirait un mauvais roman de gare. Alors ça vient d'un agent de terrain. Un ancien militaire qui a réussi à infiltrer une organisation secrète d'extrême droite. Il en existe donc. Des anciens des ligues. Oui. Pour l'instant, c'est la seule organisation connue. Depuis qu'on a dissous les ligues, il y a beaucoup de gens prêts à entrer dans la clandestinité. Cérémonies occultes, serments d'allégeance, des chefs en toge et masqués, quel folklore ridicule. Enfin, je suppose que les fascistes aiment ce genre de choses. Mais la vraie question, c'est leur dangerosité. Ont-ils des armes ? Oui, mais on ne sait pas à combien. Ils en cherchent. Notre agent a été recruté pour en récupérer au sein de l'armée. Combien sont-ils ? On l'ignore. Ce sont eux, les cagoulards, dont parlait Pujol dans l'Action française ? Sûrement. En tout cas, ils gravitent dans les mêmes cercles. La cagoule. Il va falloir me les surveiller, ceux-là. S'ils ont réellement des soutiens dans l'armée, ça peut nous poser de gros problèmes. C'est horrible de devoir espionner le peuple français. Mais parfois, la fin justifie les moyens. Notre front populaire est fragile. Il fait peur aux patrons et l'extrême droite essaye de les amadouer. S'ils se liguent contre nous, c'est la fin de la République. Heureusement, l'extrême droite est fractionnée. Ils se détestent entre eux et viennent moucharder à la première occasion. Si les cagoulards ont tissé des liens avec l'armée, ils en ont aussi sûrement avec la police. Nous voilà engagés dans un jeu de dupes où chacun sera renseigné sur les actions de l'autre. Le début de l'année 1937 est encore agité par de nouvelles manifestations. Le 16 mars, le PSF, Parti Social Français, le nouveau parti d'extrême droite du colonel de la Roque, ancien chef des Croix de Feu, décide de tenir une réunion publique à Clichy, un bastion de la gauche. Une autorisation officielle est délivrée sur la base du respect de la liberté d'expression. Mais quand la nouvelle se répand, une contre-manifestation est organisée par les partis de gauche. Les événements prennent un tour dramatique quand un millier de manifestants de gauche quittent le circuit convenu et se dirigent vers les barrages de police. Des coups de feu éclatent, la police réplique. Malgré l'intervention de Marx Dormoy en personne pour tenter d'apaiser les esprits, le bilan de la fusillade de Clichy est lourd. 5 morts et au moins 200 blessés. Le lendemain, la gauche est désemparée. Dormoy offre sa démission, mais Blum la refuse. Maurice Thorez, qui était aussi sur place ce soir-là, choisit de ne pas mettre d'huile sur le feu et limite ses attaques contre le gouvernement. L'unité du Front populaire vacille, mais tient bon. Merci pour ce rapport, Marx. Il y a un élément qui ne figure pas dedans. Dites-moi. Nous sommes quasi certains que les premiers coups de feu ont été tirés par des membres de la cagoule. Cette cagoule existe donc ? Nous avons un agent infiltré. Ils nous confirment que ce sont eux qui ont tiré à Clichy pour semer le trouble. Ils ont réussi leur coup. Et ils sont aussi responsables des sabotages sur les livraisons vers l'Espagne. C'est fâcheux. Ces opérations sont censées rester secrètes. Ils ont malheureusement beaucoup de contacts dans l'armée. Vous allez les arrêter ? Pas encore, mais on y travaille. Je vous fais confiance. Dans tous les cas, il ne faudrait pas que nos petites affaires avec l'Espagne soient rendues publiques. Bien entendu. Depuis quelques mois, Léon Blum est très inquiet de la situation en Espagne. Le gouvernement républicain n'arrive pas à mater la rébellion du général Franco, qui bénéficie du soutien militaire de Mussolini et d'Hitler. Bien que le gouvernement français reste officiellement neutre, Blum organise des livraisons secrètes d'armes pour aider les républicains. Mais ces livraisons sont la cible de mystérieux sabotages. Ces salauds sont bien renseignés. Ils ont réussi à détruire 47 avions destinés à nos amis républicains. Une opération commando, de nuit, sur un aérodrome militaire. Et cela s'ajoute à leur coup de force pour récupérer des armes dans différents entrepôts, en plus de celles que Mussolini a promis de leur livrer. Il faut absolument que nous mettions la main dessus avant qu'ils ne soient en position de tenter un coup militaire, comme en Espagne. Marx Dormoy, dès qu'il le peut, part à Montluçon, ville dont il est maire depuis 1926. Chez sa sœur Jeanne, célibataire comme lui. Il est fameux, ton bourguignon. Merci. Comment a été ta semaine ? On a encore eu 4 petits qui sont arrivés à l'orphelinat. Il va falloir nous donner plus de lits. Oui. Passe par Roger à la mairie. Ce sont des basques espagnols, les pauvres petits. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Tu peux faire ce qu'il faut pour accueillir les réfugiés, au moins. Oui, on accueille. Mais les combattants sont renvoyés sur le front de Catalogne. C'est parce que notre nouveau gouvernement est plus à droite ? Non, le nouveau président du Conseil, Camille Chautemps, est radical. Et nous sommes toujours au gouvernement. Et comment va Blum ? Il est nommé vice-président du Conseil. Il n'est pas complètement écarté. C'est idiot, ce système. C'est le jeu de la République parlementaire. Les gouvernements sont éphémères. Et toi ? Ton poste est menacé ? Chautemps m'a dit qu'il n'y a aucune raison que je ne reste pas au ministère. On verra bien. Allô? Oui. C'est pour toi? Allô? Lui-même, qu'est-ce qui se passe? Je rentre immédiatement. Qu'y a-t-il? Il y a eu un attentat à Paris. Il y a des morts. Le 11 septembre 1937, deux bombes explosent en pleine journée et tuent deux gardiens de la paix. La première devant le siège du patronat et la seconde devant l'immeuble de l'Union des industries métallurgiques. Tout porte à accuser l'extrême gauche. Il ne manquait plus que ça. La piste anarchiste ne donne rien. On a relâché Tamburini, le suspect italien. Il a un alibi. On va nous accuser de n'être pas assez ferme. On a mis la pression sur les milieux anarchistes. On a saisi le journal Libertaire. Mais il nous faut des résultats. C'est incroyable. On passe pour quoi, là? Écoute, l'enquête avance. Il faut juste être patient. Cette histoire me fait penser à l'incendie du Reichstag. Il faut se méfier des coupables tout désignés et explorer toutes les pistes. Mais on n'a pas beaucoup de temps. La presse nous massacre et la pression devient insupportable. Le double attentat déclenche une violente campagne dans la presse de droite contre le prétendu laxisme du Front populaire. À gauche aussi, des dissidents tels Jacques Doriot réclament le retour de l'autorité. La presse française est partisane et divisée, pro ou anti-Front populaire, à l'image d'une France déchirée au bord de la rupture. Mais le 16 septembre, Saint-Simon Graziani, le chef de cabinet de Dormois, apporte une nouvelle inespérée. Un carnet ? Mais oui ! Ce monsieur Aristide Corps a la fâcheuse manie de tout noter. Plusieurs allusions sont faites à la préparation d'attentats. On sait maintenant que c'est la cagoule qui est derrière. C'est parfait. Attends, on a même les noms des membres. Pardon ? Oui, et on a même les adresses. Incroyable, un trésorier de groupe terroriste qui note tous les noms de ses membres. Il faut que je m'assoie. On a tout. Regarde, même les adresses de caches d'armes. Cet Aristide Corps a tout intérêt à coopérer. Les autres vont vouloir se débarrasser de lui quand ils l'apprendront. Il est en fuite. On l'a laissé filer ? Bon. Et qui a-t-on sur cette liste ? Le chef de la cagoule, un certain Eugène Deloncle, polytechnicien. Ensuite, quelques têtes connues, François Métainier et Gabriel Janté, qui est en charge de trouver les armes. Ce sont tous des anciens camelots du roi. Pas surprenant. On a assez d'éléments pour les arrêter ? Sans l'auteur des carnets, d'après le parquet, non. Il vaut mieux attendre. Mais attends, on a une autre information capitale sur eux. Oh, ce jeune marais. Il a une vraie présence sur scène. Moi, je trouve qu'il a une voix de fausset. En tout cas, merci. Tu m'as gâté pour mon anniversaire. Ça me fait plaisir. Et puis, ça me sort un peu. Si seulement tu trouvais une femme, tu pourrais sortir accompagnée. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sors accompagné quand il m'en prend l'envie. Oh, je préfère ne pas le savoir. Monsieur le ministre. Oui ? Je suis désolé de vous déranger. Je vous en prie, bonne soirée. Je suis Eugène Deloncle. Ah. Tu m'attends quelques instants ? Oui. Je vois que mon nom vous dit quelque chose. En effet. Un hurluberlu a égaré des carnets dans lesquels mon nom apparaît dans des histoires invraisemblables. Et depuis, des rumeurs circulent sur moi. Suffisamment graves pour que je me permette de vous aborder, puisque le hasard nous fait nous retrouver dans le même théâtre. Le hasard, vraiment. Que voulez-vous ? Je suis le président de l'Union des comités d'action défensive. Une organisation tout à fait respectable et autorisée par votre ministère. Je n'ai rien à voir avec cette soi-disant cagoule et le double attentat. Aucune procédure n'est lancée contre vous, que je sache. Oui, mais je voulais juste vous dire de ne pas vous tromper de cible. Je suis un entrepreneur, un patriote. Les gens comme moi ne sont pas un danger pour la France. La véritable menace, ce sont les communistes. Vous ne les aimez pas non plus, mais ils sont pourtant vos alliés politiques. Il faut que vous vous débarrassiez d'eux avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre intérêt. Écoutez, de l'oncle, vous avez fait Polytechnique. Grand bien vous fasse. Quel gâchis d'éducation. Vous représentez tout ce que je déteste. Une élite pétrie de haine et prête à tout pour préserver ses privilèges. Je ne sais pas si vous essayez de me menacer, mais vous ne m'impressionnez pas. Monsieur. Tu viens, Jeanne ? Ce que Eugène Deloncle ignore, c'est que Marx Dormoy est au courant de son projet de coup d'État, prévu quelques jours plus tard dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937. Le plan de Deloncle est simple. Convaincre les militaires de l'imminence d'une insurrection communiste pour faire sortir l'armée de ses casernes et profiter de la confusion pour renverser le gouvernement. Le jour dit, police et gendarmerie sont en alerte. Très bien, tenez-moi au courant. Il est 22h. Tu me fais un point ? Des troupes sont en place au dépôt d'armes du Mont-Valérien, là. Il y a des regroupements dans certains quartiers de Paris, là et là, mais pour l'instant, aucun mouvement notable. Et sous terre ? Notre agent infiltré est avec les cagoulards qui attendent sagement dans les catacombes. Ça ne bouge pas. Et l'armée ? La caserne de Vincennes a été mise sous surveillance. C'est calme. On joue gros ce soir, Saint-Simon. Si les militaires sortent, nos agents ne feront pas le poids avec de simples pistolets. Pendant toute la nuit, Marx Dormoy suit les opérations depuis son bureau. Mais les casernes ne bougent pas, les militaires n'ont pas cru aux mensonges de Deloncle. Vers 5 heures du matin, ce dernier donne l'ordre à ses hommes de se disperser. Il n'y aura eu aucune effusion de sang cette nuit-là. Dès le lendemain matin, Marx Dormoy contre-attaque lors d'une conférence de presse. Il rend public l'existence du complot. Une enquête est immédiatement ouverte par le parquet et la police procède à de nombreuses arrestations. Nous en sommes à une vingtaine d'arrestations. Locuti, le poseur de bombes de la Confédération du Patronat, est bien un cagoulard et il est passé aux aveux. Les têtes vont tomber. Félicitations. Vous ne semblez pas convaincu ? Nos amis radicaux sont un peu nerveux quant à votre idée de grand nettoyage. Pour des raisons de sûreté, il faut prendre des sanctions contre le général Duseigneur et le maréchal Franchet d'Espéret. Nous avons besoin du soutien de l'armée. L'arrestation d'officiers prestigieux nous aliénerait une partie de ses rangs. Et les financiers de l'organisation, les entreprises Michelin, L'Oréal... Écoutez, Dormoy, croyez bien, cela me déplaît autant que vous, mais le président du Conseil pense que devant la menace allemande, il faut préserver l'unité nationale. Ces gens nous poignarderont dans le dos à la première occasion. Les radicaux se trompent, lourdement. En janvier 1938, suite à une série de désaccords avec les radicaux, les socialistes démissionnent du gouvernement Chotan. Dormoy quitte son poste de ministre de l'Intérieur. Il est remplacé par le radical Albert Sarraut. Dormoy ne revient au poste de ministre de l'Intérieur que le temps d'une parenthèse de Léon Blum au pouvoir entre mars et avril 1938, date qui marque la fin du Front populaire. J'ai au moins la satisfaction que Deloncle, le chef de la cagoule, croupit à la santé en attendant son procès. Mais la plupart des cagoulards sont passés entre les mailles du filet. La presse n'a pas pris au sérieux la menace. La gauche parle de comploteurs du dimanche. La droite m'accuse d'affabuler sans preuve. Je ronge mon frein. Mais la France a d'autres préoccupations. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. La plupart des cagoulards inculpés bénéficient d'un non-lieu et sont libérés. Certains rejoignent le front. En mai 1940, ils ne sont plus que 8 en détention. Le 10 mai, la Wehrmacht passe à l'attaque dans les Ardennes. En à peine 4 semaines, les armées françaises sont mises en déroute. Le 11 juin, les Allemands sont aux portes de Paris. Dormoy et Blum se donnent rendez-vous à l'Assemblée nationale avant de quitter la capitale. Ah, vous êtes là. Vous avez vu comme Paris est vide ? J'ai pu entrer ici sans aucun contrôle. Il n'y a plus qu'un jeune concierge pour garder le bâtiment. Vous êtes prêt ? C'est irréel de voir l'hémicycle si silencieux. Il faut y aller, Léon, si les Allemands vous trouvent ici. Paris, ville ouverte. Je sais. C'est difficile de voir sa ville sacrifiée, mais il faut se ressaisir et rejoindre les autres députés. Avec Pétain, vice-président du Conseil, et Végan, chef des armées, c'est sûr. La France, maintenant, va demander l'armistice. On peut encore les empêcher. Rejoignons nos collègues députés. Allons-y. Blum et Dormoy partent en voiture au milieu de la marée humaine en exode et rejoignent finalement Vichy. C'est là qu'après la signature de l'armistice le 22 juin, que le gouvernement et les assemblées se regroupent pour siéger. Le 9 juillet, un vote décisif se prépare. C'est difficile de garder ses esprits devant l'ampleur de la catastrophe. Il règne ici, à Vichy, une ambiance de fin du monde. Les députés ont peur. L'extrême droite attend en embuscade, avec des alliés inattendus. J'ai honte d'avoir appartenu au même parti que Pierre Laval, nommé vice-président du Conseil, qui intrigue tant qu'il peut pour que la France se soumette à Hitler. Je partage l'analyse de De Gaulle. Il nous reste les colonies. Les Anglais se battent encore, et bientôt les Américains les rejoindront. Laval a réussi à mettre au vote un changement de constitution pour donner les pleins pouvoirs à Pétain. Il passe pour un bon petit père en raison de son âge, mais chacun sait sa détestation de la République. Pierre Laval s'est opposé à ma résolution de soutien à la République. Nous n'avons obtenu aucune garantie de ce qu'ils feront des pleins pouvoirs. Léon, il faut que vous preniez la parole. Ni le président de la République, ni le président du Sénat n'ont bougé. La majorité des nôtres s'est déjà fait son idée et ils voteront pour. J'ai parlé aux camarades députés du Nord et de l'Alsace. Ils font confiance au maréchal pour tenir tête à Hitler. Mais il faut leur dire que Laval veut collaborer avec les Allemands. Ils seront les premiers perdants. Cela vous va bien de parler. C'est vous qui avez vendu la France. Pardon ? Quoi ? Vous voulez vous battre ? Pourquoi pas ? Je n'ai rien à prouver. J'étais sur le front, moi. Qui êtes-vous ? Gabriel Jeantet. Marx, pardon. Je sais qui vous êtes. Chargé de mission auprès du maréchal. Vous étiez en fuite, recherché pour appartenance à la cagoule. C'est de la diffamation. Cette cagoule n'a jamais existé. Vous vouliez faire un procès politique comme à Moscou, mais vous n'êtes plus rien. Demain s'ouvrira une nouvelle page avec le maréchal. Quel sinistre personnage. Blum, les youpins comme vous nous ont fait perdre. Oui. Vous n'êtes plus les bienvenus dans ce pays. Il est autant chez lui que toi. Oh, ça va maintenant, hein, ça suffit. Ouais, c'est tes valises, sale Youpin. Blum à la potence. Partons, Marx, partons. Vous n'êtes plus les maîtres de la France. Sale Youpin. Allez, Youpin. Dehors. Dehors. Ça y est, les vautours ne se cachent plus. Les bandes fascistes de Doriot ont pris le contrôle des rues de Vichy. Il faut malgré tout faire entendre notre voix. Les députés ne voudront pas brader la démocratie pour un régime autocratique. Il faut leur faire entendre raison. Malgré les prises de parole de Dormoy et de ses amis, le 10 juillet 1940, dans le théâtre du Grand Casino de Vichy, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain par 569 voix contre 80. Pétain a le champ libre pour réécrire la Constitution. Il se débarrasse de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » au profit d'une nouvelle « Travail, famille, patrie ». Dès la fin de l'été, le nouvel État commence la chasse aux hommes politiques qu'il estime responsables de la défaite. Les premiers visés sont ceux du Front populaire. Édouard Daladier, Paul Reynaud et Léon Blum sont arrêtés. Le 25 septembre, c'est au tour de Marx Dormoy. Venir me chercher chez ma sœur, à l'orphelinat, devant le personnel, comme un malfaiteur. Je ne me faisais plus d'illusions sur mon sort depuis que le nouveau préfet m'avait évincé du conseil municipal, mon dernier bastion. Je suis arrêté pour des raisons politiques, comme mon père en son temps. Je me console en me disant que je marche dans ses pas, et ceux de Jules Guesde. La prison ne me fait pas peur, j'ai la conscience tranquille. « Après une incarcération à Pellevoisin, puis Aubenas et Vals-les-Bains, Marx Dormoy est transféré en résidence surveillée à Montélimar le 20 mars 1941. Il occupe la chambre 19 du relais de l'empereur. Il est libre de sortir de l'hôtel, mais son traitement s'inspire du régime du confino italien qui place les opposants dans des localités retirées au milieu d'une population hostile. Tu as des nouvelles pour le procès ? Je dois témoigner pour celui de Blum, mais je ne sais pas si je serai jugé. Tu me diras si tu as besoin de documents à la maison. Non, j'ai tout ce qu'il me faut, dans une mallette en haut. De toute façon, si on nous accuse d'avoir fait le lit de la défaite, eh bien, il faudra que le maréchal comparaisse avec nous. Il était ministre de la guerre en 1934. Tu ne devrais pas prendre cela à la légère. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand est-ce que tu repars ? Je suis là que depuis 2 jours et tu me renvoies déjà. Non, mais tout cela a un coût pour toi aussi. Ta place est à Montluçon. J'ai plus grand-chose à y faire depuis qu'on m'a retiré la direction de la maternité. Ils nous le paieront. Écoute, il se fait tard, il vaut mieux que tu rentres. Et puis ils vont m'attendre pour dîner. Je reviens demain. Bonne nuit. De retour. C'est tellement improbable, une si jolie jeune fille perdue dans cette ville, comme par hasard. Je ne crois pas au hasard. J'ai cru ne jamais vous revoir. Bonsoir, mademoiselle Girodias. Vous vous rappelez de mon nom ? Je vous en prie, asseyez-vous. Comment oublier un si joli visage dans un environnement si déprimant ? Vous ne vous habituez toujours pas ? Je n'ai qu'un seul loisir ici, traverser la place et acheter mon journal au kiosque. Et encore, parfois, des inconvenants viennent m'importuner en me lançant des noms d'oiseaux. Mais vous n'avez pas de protection ? Une arme ? Pourquoi faire ? Je suis bloqué ici. Si on veut m'éliminer, on peut y arriver sans difficulté. Je remarque cependant que vous mangez toujours face à la porte. Cela me permettra de voir arriver mon assassin en le regardant dans les yeux. Cette conversation est déprimante. Cette ville est déprimante. Je suis venue me reposer de la vie parisienne, mais c'est trop calme. Je m'ennuie. J'en suis navré. Que diriez-vous de m'accompagner au cinéma ? Ça aurait été avec plaisir, mais je ne sors pas le soir. S'il vous plaît, je ne connais personne ici. Et puis ce n'est pas tous les jours que l'on peut passer la soirée au bras d'un ministre. Ancien ministre, il vaut mieux pour vous ne pas être vu avec un pestiféré. Qu'est-ce que vous allez faire ? Rien, je vais terminer mon parfait au nougat et aller me coucher. Vous ne savez pas ce que vous manquez, monsieur Dormoy ? Si, je m'en doute et je le regrette déjà. Et c'est ainsi. Vous me raconterez le film ? Assurément. Bonne soirée, monsieur Dormoy. Bonne soirée, mademoiselle Girodias. Ce 25 juillet 1941, Marx Dormoy, après avoir dîné, monte dans sa chambre et se couche. À 2h du matin, les résidents du relais de l'empereur sont réveillés en sursaut. Une bombe a été placée sous le lit de Dormoy par des complices d'Annie Mouraille, alias Florence Girodias, sympathisante de la cagoule. La guerre avait scindé les cagoulards en 2 camps, les collaborationnistes avec Deloncle et ceux qui plus tard finiront résistants comme Jeantet. Mais les 2 hommes ont su surmonter leurs différends pour commanditer l'attentat qui les venge de celui qui avait réussi à démanteler leur organisation. Je n'ai aucun regret. Un représentant du peuple se doit d'être en première ligne. Je ne doute pas de la justesse de notre cause. Hitler, tel un Napoléon démoniaque, vient de lancer ses troupes à travers la campagne russe. Il court vers sa propre Bérézina. Ce n'est maintenant qu'une question de temps. La France redeviendra la France, et viendra l'heure des comptes pour les usurpateurs. J'ai peut-être un seul regret, finalement. Ne pas pouvoir y assister. En 1941, Marx Dormoy, ministre du Front Populaire, assassiné par la cagoule, de Vincent Hazard, avec Marx Dormoy, Fabrice Pierre, Léon Blum, Serge Noël, Saint-Simon Gradiani, Eddy Quignara, Jeanne Dormoy, Marie Matenon, Gabriel Jantet, Bastien Bouillon, Eugène Deloncle, Joris Casanova, Annie Mouraille, Cécilia Dassonville, et les voix d'Othello Vilgar, Norbert Ferrer et Morgane Réal. Bruitage Élodie Fiat, enregistrement, montage et mixage Pierre-Henri et Étienne Collin, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Marx Dormoy et sur la cagoule avec mon invité Gaël Brunel. Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie. Sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers. Dans les cabines de plage, derrière. Arm 50s, Arm 50s, dans le radiola, André Verschuren. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie, en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. Arm 50. Rue Campagne Première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dos, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon. Jeanne la fatale file au festival à 200 à l'heure dans le train Mistral. Y'a un coiffeur. Arm 50s. Arm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, Arm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick. Arm 50s d'Alain Souchon sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. Une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Juliette Delperrou. Gaël Brunel, on découvre dans cette histoire le rôle crucial que Marx Dormoy, un personnage un peu oublié aujourd'hui, a joué en 1936-1937 pour empêcher un putsch d'extrême droite. À l'époque, quand il a révélé cette histoire à la presse, au grand public, on a beaucoup ironisé sur cette cagoule qu'on présentait un peu comme quelque chose de folklorique. Mais est-ce que le risque de coup d'État était bien réel, lui ? Moi, je crois qu'il y avait un vrai risque d'un coup d'État, mais ce qui était même plus dangereux, c'est de faire croire aux jeunes que c'était possible qu'il y aurait un coup d'État, parce que la France était déjà très divisée. Donc, le gouvernement avait peur d'une guerre civile, et le gouvernement avait peur que des jeunes perdraient leur confiance dans la capacité du gouvernement de gérer bien les affaires et faire front à Hitler. Mmh. Alors, Gal Brunel, dans cette histoire se termine par les mots imaginaires, bien sûr, de Marx Dormois. Ce fervent socialiste républicain exprime sa certitude que l'Allemagne nazie sera vaincue, que la France redeviendra la France. Et il espère, dit-il, que l'heure des comptes viendra pour les usurpateurs. Alors, cette heure, on le sait, elle viendra à la libération avec les procès des collaborateurs, pour certains d'entre eux. D'abord, le premier d'entre eux, Pétain, il y aura un procès Pétain, mais pour l'assassinat de Marx Dormois, est-ce que justice a été faite? Est-ce qu'on a retrouvé d'abord les coupables de l'assassinat et les commanditaires de l'assassinat? Ils ont trouvé les coupables, mais ils n'ont jamais allé jusqu'aux commanditaires. Et c'était ça le problème. Après la guerre, il y avait une volonté, même une nécessité d'oubli. Ça veut dire qu'il pour réunifier la France, il fallait arrêter les poursuites. Donc, ce qui est arrivé, c'était que des gens qui ont assassiné, dont moi, qui ont planté la bombe, se réfugiaient en Espagne et en Amérique du Sud. Alors, revenons en 1941, donc après l'assassinat, il y a quand même un commissaire de police que vous mettez en lumière, Gaëlle Brunel, avec votre co-autrice, Annette Finlay-Crosswhite. C'est le commissaire de police, donc on est quand même sous le régime de Vichy. Il y a un commissaire de police assez courageux, assez opiniâtre, qui s'appelle Charles Chenevier, qui va mener une enquête pour retrouver les coupables de cet assassinat, et il va les trouver, et c'est lui qui, le premier, va établir le lien entre ces personnes et la cagoule. Oui, exactement ça. Lui, et aussi, il ne faut pas oublier le juge d'instruction, juge Marion, qui a toujours soutenu Chenevier dans cette enquête. Chenevier savait très très bien que ça montait plus haute que les assassins eux-mêmes, Annie Moray et le reste. Et donc, il fallait vraiment beaucoup de courage pour suivre ça. Mais il savait déjà, parce qu'il connaissait la cagoule d'avant la guerre. Donc, il savait très bien. Et aussi, il avait ses propres informateurs, qui étaient membres eux-mêmes de la cagoule, qui lui ont expliqué ce qui est arrivé, pourquoi et à qui. Donc Chenevier, il savait que ça montait jusqu'au cabinet de Pétain, et c'était probablement pour protéger Pétain, parce que on savait très bien que Pétain avait des liens avec des gens comme Franchet d'Espéré avant la guerre. Qui était donc de la cagoule. Qui était de la cagoule, voilà. Donc, on sait aujourd'hui, de manière certaine, qu'il y avait des liens entre les tueurs de Marx Dormois, de la cagoule, avec le gouvernement de Pétain. On en est sûr? Moi et Annette Finlay-Crosswhite sont sûrs, oui. D'abord parce que Chenevier était sûr. Et le commissaire de police. Oui, le commissaire de police. Et lui, il suivait la piste de la cagoule depuis l'avant-guerre et même après la guerre. Sa témoignage devant le tribunal, il expliquait très bien, même à ce moment, qu'il savait très bien qu'il s'agissait de si c'était pas exactement Pétain qui a commandé ou ordonné cet assassinat, c'est sûr que des gens qui ont assassiné Marx Dormois, c'était pour protéger Pétain, parce que on dit que Dormois savait trop. Il savait trop de choses dans sa fameuse mallette. Parce qu'il a mené l'enquête avant la guerre à la cagoule, et c'est sûr qu'il avait avec lui à Montélimar des documents qui après sont disparus. Et probablement c'était des documents pour aider à se défendre et défendre Léon Blum au procès de Riom. Et si on lise l'histoire du procès de Riom, c'est clair que c'était Pétain et les autres généraux, mais c'était surtout Pétain qui ont empêché le réarmement de France, parce que ils ne croyaient pas vraiment dans la guerre moderne, entre autres choses. Ce qui va se passer, donc là, en 1941, il y a l'assassinat de Marx Dormoy, et l'année suivante, le 11 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud, dite libre, et à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'un officier nazi va faire libérer les assassins de Dormoy, et il va, par contre, arrêter Chenevier, qui va être envoyé dans un camp de concentration en Allemagne. Donc toute l'enquête qui avait commencé va s'écrouler. Et les Allemands, c'était le Gestapo finalement, ils sont s'arrêtés devant la prison où se trouvaient les assassins et ils ont quitté la prison et il a même mené Annie Moray dans son Mercedes avec lui. Et voilà, exactement, c'est ça. Et le juge Marion se réfugiait à Tahiti et Chenevier était dans un camp de concentration et son second, Georges Kübler, y était envoyé aussi et lui, il est mort. Tandis que Chenevier est revenu vivante, mais en très mauvais état de santé. À la libération, Jeanne Dormoy, donc la sœur de Marx Dormoy, va faire tout pour que soit rouvert le dossier de l'assassinat de son frère. Il y aura un procès en 1948, mais hélas, la plupart des inculpés seront absents puisqu'ils sont en fuite en Espagne, dans l'Espagne de Franco ou en Amérique latine. On sait aussi que la cagoule a bénéficié de beaucoup de soutien de grandes entreprises encore après la guerre. Cette enquête, Gabriel Brunel, vous l'avez mené pour rendre hommage à Marx Dormoy, un homme politique donc courageux, on l'a entendu. Je vous propose d'écouter sa voix. C'est un document de 1937, le 1er juillet. Marx Dormoy parlait au Congrès socialiste de Marseille. Le Congrès de Marseille, dont les débats ont commencé aujourd'hui, atteste la puissance du Parti socialiste, qui peut à juste titre s'enorgueillir d'être le plus grand parti politique de la démocratie française. Les résultats enregistrés montrent la cohésion du socialisme français. Le vote du rapport moral signifie également que les délégués de la France socialiste conservent leur entière confiance aux hommes qu'ils ont délégués au gouvernement pour y continuer l'œuvre politique et sociale du cabinet Léon Blum, ainsi que son action en faveur du maintien de la paix. C'était donc Marx Dormoy s'exprimant en 1937. C'était donc important pour vous, Gaëlle Brunel, justement de rendre hommage à Marx Dormoy. On connaît la station de métro aujourd'hui à Paris, mais on oublie que derrière ce nom, il y a un homme qui s'est battu. Parce qu'il croyait dans la démocratie pendant que beaucoup des autres ont perdu la confiance dans la démocratie et parce qu'il croyait dans le petit peuple et leur droit de participer dans la démocratie et aussi de vivre comme les autres. Merci beaucoup, Gaëlle Brunel. Je rappelle que Jeanne Dormoy est morte en 1975. Gaëlle Brunel, vous êtes l'auteur avec Annette Finlay Crosswhite d'un livre qui doit paraître l'année prochaine en anglais, Assassination in Vichy, Marx Dormoy and the Struggle for the Soul of France, publié par l'Université de Toronto. Alors, on espère bien sûr qu'un éditeur français s'intéressera à le traduire et à le publier. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en 1919 en compagnie d'un homme peu recommandable et très inquiétant, Henri Désiré Landru, l'homme qui en 1921 fut reconnu coupable d'avoir escroqué et assassiné 11 femmes qu'il avait tenté de séduire en leur promettant le mariage. L'affaire Landru, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Juste après le flash, dans quelques minutes, ne manquez pas votre rendez-vous avec Nadia Dame pour Modern Love. Excellente soirée sur France Inter.